et lui devinrent secrètement chers avec le temps. Mais tout ce qui le préoccupait encore pour le moment était le chagrin d'avoir perdu Quiche, l'espoir qu'elle reviendrait et la soif de recouvrer un jour la libre existence qui avait été la sienne.